Josué chapitre 17. Il y eut aussi un sort pour la tribu de Manassé, qui fut le premier-né de Joseph. Quant à Makir, premier-né de Manassé, et père de Galaa, parce qu'il fut un homme belliqueux, il eut Galaa et Basan. Puis le reste des enfants de Manassé eut ce sort, selon ses familles, savoir les enfants d'Abiézé, les enfants d'Élé, les enfants d'Asriel, les enfants de Sekem, les enfants d'Éphé, et les enfants de Semida. Ce sont là les enfants mâles de Manassé fils de Joseph, selon leur famille. Ortselofka fils d'Éphé fils de Galaa, fils de Makir, fils de Manassé, n'eut point de fils, mais des filles, et ce sont ici leurs noms, Mala, Noa, Ogla, Milka et Tirtsa, lesquels vinrent se présenter devant Éléazar le sacrificateur, et devant Josué, fils de Nun, et devant les principaux du peuple, en disant, « L'Éternel a commandé à Moïse, qu'on nous donnât un héritage parmi nos frères, c'est pourquoi on leur donna un héritage parmi les frères de leur père, selon le commandement de l'Éternel. » Et 10 portions n'échurent à Manassé, outre le pays de Galaa et de Basan, qui était au-delà du Jourdain. Car les filles de Manassé eurent un héritage parmi ses enfants, et le pays de Galaa fut pour le reste des enfants de Manassé. Or la frontière de Manassé fut du côté d'Azé, venant à Micmeta, qui était au-devant de Sichem, puis cette frontière devait aller à main droite vers les habitants d'Antapua. Or le pays de Tapua appartenait à Manassé, mais Tapua qui était près des confins de Manassé, appartenait aux enfants d'Ephraïm. De là cette frontière devait descendre au torrent de Cana, tirant vers le midi du torrent. Ces villes-là sont à Ephraïm parmi les villes de Manassé. Au reste, la frontière de Manassé était aux côtés du septentrion du torrent, et ses extrémités se devaient rendre à la mer. Ce qui était vers le midi était à Ephraïm, et ce qui était vers le septentrion, était à Manassé, et il avait la mer pour sa borne, et, du côté du septentrion les frontières se rencontraient en Azé, et en Issacar, du côté d'Orient. Car Manassé eut au quartier d'Issacar et d'Azé, Beth-Séan, et les villes de son ressort, et Jibléam, et les villes de son ressort, et les habitants de Dor, et les villes de son ressort, et les habitants d'Andor, et les villes de son ressort, et les habitants de Taanach, et les villes de son ressort, et les habitants de Megiddo, et les villes de son ressort, qui sont trois contrées. Au reste, les enfants de Manassé ne purent point déposséder les habitants de ces villes-là, mais les Cananéens osèrent demeurer dans le même pays. Mais depuis que les enfants d'Israël se furent fortifiés, ils rendirent les Cananéens tributaires, toutefois ils ne les dépossédèrent point entièrement. Or les enfants de Joseph parlèrent à Josué, en disant, « Pourquoi m'as-tu donné en héritage un seul lot, et une seule portion, vu que je suis un grand peuple, tant l'Éternel m'a béni jusqu'à présent ?» Et Josué leur dit, « Si tu es un si grand peuple, monte à la forêt, et coupe-la, pour te faire place au pays des Phéréziens et des Réphaïm, si la montagne d'Ephraïm est trop étroite pour toi. » Et les enfants de Joseph répondirent, « Cette montagne ne sera pas suffisante pour nous, et tous les Cananéens qui habitent au pays de la vallée, ont des chariots de fer, pour ceux qui habitent à Beth-Séan, et aux villes de son ressort, et pour ceux qui habitent dans la vallée de Jisraël. » Josué donc parla à la maison de Joseph, savoir à Ephraïm et à Manassé, en disant, « Tu es un grand peuple, et tu as de grandes forces, tu n'auras pas une portion seule. Car tu auras la montagne, et parce que c'est une forêt, tu la couperas, et ses extrémités t'appartiendront, car tu en déposséderas les Cananéens, quoiqu'ils aient des chariots de fer, et qu'ils soient puissants.